Autour d'une table ou d'un café, le jour de l'an où on était, avec des chaussettes ou des bas, y en a qui ne reviennent pas, qui affichent des sourires béats pour tout et n'importe quoi. Maman me disait qu'il faut toujours et à toute heure sourire au monde et ne jamais montrer sa mauvaise humeur. Mais on ne choisit pas toujours de ne pas y laisser libre cours, oh yeah. Maman, papa, ma tête de con quand elle est là, c'est mieux pour se faire des copains, de ne pas toujours aller bien. Une histoire respirant le bonheur n'améliore pas mon humeur. Les gens heureux m'emmerdent avec leur mine de passe pour la tête. Quand mon air est une mine de fer, un surlendemain de fête. Les histoires qui se terminent bien n'amusent personne le matin. Oh yeah. Le cœur des poètes serait une tourte molle. Finalement, être intelligent, c'est un peu comme se brosser les dents. Si tu l'oublies négligemment, tu seras souvent le dernier.